à ta miséricorde. Tu crois en moi un peu, beaucoup moins qu'à l'ancienne époque si féconde, où nous gagnions du temps sur le temps des autres. Nous avions le temps de nous aimer, de respirer, de souffler sur ce monde à l'envers, de nous aimer, de colorer les instants noirs de ce monde à l'envers. Beaucoup plus qu'hier, où je t'aimais si fort. Je vais changer pour nous les rumeurs et les guerres qui pèsent sur nos corps. Si j'en appelle à toi, c'est que l'aube a souri. Laisse-nous encore le choix de nous aimer, respirer, de souffler sur ce monde à l'envers, de nous aimer, de colorer les instants noirs de ce monde à l'envers. Avec mille raisons, l'essentiel au fil des saisons. Je veux ce don du ciel de nous aimer, de respirer, de souffler sur ce monde à l'envers, de nous aimer, de colorer les instants noirs de ce monde à l'envers. Et de plier sous le poids des ans, sans jamais rompre. Et de combattre mille raisons, sans jamais cesser. De nous aimer, de respirer, de souffler sur ce monde à l'envers. De nous aimer, de colorer les instants noirs de ce monde à l'envers, de nous aimer.